clérical, pratique bon mangeur, ecclésiastique. Cet aveu compte beaucoup. Et ces hommes d'église, hélas, ne sont pas tous et dégueulasses. Et moins le curé de chez nous. Se déchaîne pendant un lot au bout d'un chêne, sans forme aucune de roman. Ce ratichon fit un scandale et rugit à travers les stalements, à toute peine de mort. Prodiguer les hosties, le pain béni, l'Eucharistie, aux petits oiseaux du boutier. Ensuite, il retroussa ses manches, prit son coupillon des dimanches, et plein d'une sainte colère, comme à l'offensive, dire une mot grand-messe exclusive à celui qui dansait en l'air. C'est à du gibier de potence dans cette triste circonstance. L'hommage sacré fut rendu. Ce jour-là, le rôle du Christ. Bonne aubaine pour le touriste, était joué par un pendu. Et maintenant, quand on croise, nous, les païens de sa paroisse, c'est pas lui qu'on veut dépriser. Quand on crie à bas la calotte, à s'enfermer, péter la glotte, la sienne n'est jamais visée. Anticléricaux, fanatiques, bon mangeurs, ecclésiastiques, vous vous coifferez un plat de cureton. Je vous exhorte, camarades, à faire en sorte que ce ne soit pas celui-là. Eh bien, bonjour à tous et à toutes de bienvenue. C'est courageux parce que les gens sortent quasiment plus maintenant. Et donc aujourd'hui, vous êtes venus pour la sortie du livre de notre ami Frédéric, qui est sorti il y a quelques jours seulement. Donc Brassens, c'était l'année dernière, c'était l'anniversaire de sa mort, de sa naissance et de sa mort, plutôt en ce sens-là. Et évidemment, il y a eu des dizaines et des dizaines de bouquins, des rééditions. Il y a un site qui recense tous les bouquins consacrés à Brassens, et je crois qu'on a 700 références, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est que les livres en français, hein, parce qu'il y aura les traductions et compagnie. Donc c'est énorme, ça doit être sûrement le chanteur français qui fait le plus écrire. Alors sur Brassens, Anarchie, et il y a un tas de bouquins évidemment qui passent sous silence les activités anarchistes de Brassens, qui étaient quand même pas négligeables, comme le raconte, comme va nous l'expliquer Frédéric. Et il y a eu quelques bouquins, de au moins deux, qui rassemblaient quelques textes, parce que finalement, on peut en appeler 10 fois plus, quelques textes anarchistes parus dans la presse anarchiste, tu vas nous dire quels journaux. Et donc, Fred, bon, est un des membres actifs du CERA, et il a fait un tas de recherches là-dessus. Donc, bon, je vais lui laisser la parole. Et on a avec nous May, interprète, guitariste, chanteur. Moins connu que Brassens. Pardon ? Moins connu que Brassens. Un peu moins connu que Brassens, mais dans notre milieu, on te connaît. Ça fait pas mal de temps qu'on suit ce que tu fais. et tu adores Brassens, et tu vas illustrer cette causerie, comme ça, ça sera... Enfin, c'est pas que ça va être triste, mais avec les chansons, ça va être encore plus gai. Voilà, ben, alors, Fred, la parole, merci de, déjà pour tout ce travail, et merci d'avoir intéressé les gens, parce que tout le monde est là. Après, donc, à la fin, le livre de Fred aux éditions de Moëlle-Reste, donc les éditions... Il n'est pas là, l'éditeur? Non. Peut-être qu'il va venir. Donc, le Moëlle-Reste, un éditeur qui fait surtout... qui est pas loin d'ici, au boulevard derrière, là, à la Libération, et qui fait... qui est spécialisé surtout dans la musique. Et la musique sous l'angle social. Donc, il y a des tas de bouquins sur le punk, sur le rock, sur la musique électronique, bah, des choses insensées, enfin, des fois, et sur les milieux underground, bah, très très beau catalogue, et donc là, il a accepté de faire ce bouquin. Et on a retrouvé, il nous restait un stock du calendrier de l'année dernière, donc le calendrier, bon, c'est sur une idée de Fred, après il y a eu Marc qui est là-bas, qui a fait la mise en page, puis sûrement d'autres qui ont collaboré, un magnifique dessin de notre ami Goebbels. Donc il nous en reste quelques exemplaires, ça c'est à prix libre et le bouquin est au prix. À toi la parole. Okay. Est-ce que d'abord ça dérange quelqu'un si je parle sans le masque? C'est mieux. Bonjour à tous. Je vais d'abord vous expliquer ce que j'ai essayé de faire à travers le livre. Je vais lire un petit peu mes notes parce que je ne suis pas très à l'aise. On a tous une image de Brassens qui nous est parvenue, bien sûr par ses chansons, mais aussi par les médias, par les différentes émissions et les livres qui lui ont été consacrés. Or, cette image, elle s'en fichait éperdument. En fouillant dans ses interviews, pas si nombreuses, dans les correspondances épistolaires qu'il entretenait avec ses amis, dans ses articles de la presse anarchiste, que j'ai exhumé pour la plupart, et dans les différentes archives, je me suis rendu compte que cette image qui nous est proposée est bien loin de le représenter. Dans le livre, en suivant pas à pas le quotidien de Brassens durant ses années militantes, j'ai voulu montrer quel homme il était vraiment et quel était son anarchisme. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous raconter comment il est entré dans le mouvement anarchiste et quelles ont été ses différentes activités depuis ses premiers articles dans le Libertaire jusqu'à son implication au sein du Comité national de la Fédération. En 1945, à Paris, la guerre se termine, Brassens a 24 ans, il vit chez Jeanne et Marcel Planche à l'impasse Florimond, dans le 14e arrondissement. Il y fait ses humanités dans la lecture. Là, au milieu d'écrivains, de poètes, de philosophes, il découvre quelques penseurs et théoriciens anarchistes, Proudhon, Bakounine, Kropotkine. Une citation de Brassens. Débute alors pour lui une période d'intense militantisme dans le mouvement anarchiste, et toute sa vie, dans son comportement, dans ses chansons, il restera le plus proche possible de l'éthique anarchiste qu'il a découverte à 26-27 ans, de 1946 à 1948, donc. Déjà lors de l'été 45, avec André Larue, qui fut son compagnon au service du travail obligatoire en Allemagne, et avec Émile Miramont, son copain d'enfance, surnommé par Brassens Corne d'Europe, il crée un peu par amusement le Parti préhistorique international, un parti qui prône le retour au temps primitif, et veut aller à l'encontre du progrès. Mais Brassens ne s'investit pas pleinement dans ce mouvement. À l'automne 1945, jusqu'au début de l'année 1946, Brassens et André Larue décident de la création d'un journal anticonformiste et anti-bourgeois. Ce journal serait ouvert aux jeunes, aux artistes, aux poètes, et serait un journal courageux, juste, social et humain. Il le nommerait « Le cri des gueux ». La maquette du numéro 0 est prête, ainsi que l'éditorial et quelques articles. Mais, faute d'argent, le journal ne verra jamais le jour. Au début de l'année 46, Brassens rencontre un ami de Marcel Planche, Marcel Renaud, qui vient régulièrement à l'impasse Florimond. Marcel Renaud est un anarchiste individualiste doté d'une très grande culture. Cet homme permet à Brassens d'aborder des sujets très variés, l'art, les sciences, l'éducation, le patriotisme, et ce d'autant plus qu'à l'impasse, Brassens a peu l'occasion d'avoir de profondes discussions. Avec Marcel Renaud, au printemps 46, Brassens se rend dans un groupe affilié à la Fédération anarchiste, le groupe du 15e arrondissement de Paris, qui se réunit au Café Buffon, face à la station de métro Pasteur dans le 15e arrondissement. Le lieu, les idées, les personnes plaisent à Brassens. Aussi, assez rapidement, il décide de prendre la carte du mouvement et devient un militant anarchiste. Là, je vais un peu vous parler des groupes anarchistes parisiens au sortir de la guerre. Donc, au lendemain de la guerre, dans Paris et sa région, la formation des groupes anarchistes devient rapidement buissonnante. Quasiment tous les arrondissements parisiens et toutes les villes de banlieue ont le leur. D'ailleurs, à Marseille également, entre 1945 et 1948, les groupes anarchistes naissent. À Marseille, outre la fédération locale à la rue Pavillon, qui sera plus tard le groupe du centre, il y a aussi la création du groupe Saint-Henri-Vallée-du-Céon, le groupe Bakounine à Saint-Louis, le groupe Voline à Pont-de-Vivo, qui regroupe les quartiers de la Pomme, Saint-Loup, Saint-Marcel, la Timone, la Capelette, le groupe Liberté à Saint-Antoine, et un autre groupe qui regroupe les quartiers des Crottes, du Canet, Saint-Mauron, la Belle-de-Mai. Un comité intergroupe est créé également à Marseille. De nombreuses réunions publiques et contradictoires s'y tiennent avec des orateurs locaux et certains venus des quatre coins de la France. À Paris comme à Marseille, avec leur identité propre et des militants de tendances diverses, chaque groupe applique les principes communs à tous les anarchistes. Chaque groupe né dans l'enthousiasme se doit d'être suffisamment cohérent pour que le dynamisme ne se perde pas en vaines querelles d'école ou de personnalité retirant toute efficacité. Ces groupes possèdent un secrétariat, une trésorerie d'environ 5 militants qui assurent toute la routine. Ces tâches demandent de la ponctualité, de la précision, également de la fermeté et du doigté. Les groupes n'hésitent pas à proposer aux camarades qui ne possèdent pas ces qualités de choisir une autre activité, car les négligences désorganisent le travail et peuvent expliquer leur disparition. Outre le secrétariat et la trésorerie, il existe souvent trois grands postes de travail, celui de la propagande, celui des cours de formation et celui de la revue. En quelques années, les groupes parisiens prennent part aux diverses manifestations, ils s'agrandissent, ils s'unissent. Le mouvement anarchiste parisien est alors recomposé en trois groupes d'une importance numérique à peu près égale d'une quarantaine de militants pour fonctionner correctement. Une quinzaine d'entre eux, dont la vie se confond avec l'action révolutionnaire, forment l'ossature du groupe et assurent les responsabilités les plus importantes. Une autre quinzaine est disponible par des actions soutenues chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Enfin, l'action des 15 derniers est conditionnée à leurs diverses activités en dehors du groupe, par leur âge ou par leur santé. Les trois grands groupes parisiens sont le groupe de l'Ouest, qui devient le groupe libertaire Louise Michel, un groupe révolutionnaire pour lequel seul l'affrontement entre les classes réglera les problèmes économiques et sociaux. Son but est la construction de l'outil du mouvement révolutionnaire qui puisse, à un moment propice, faire la décision. Les groupes des 10e, 19e et 20e arrondissements forment le groupe Paris-Est, qui est composé pour une bonne partie de communistes libertaires. Les groupes des 5e et 6e arrondissements forment le groupe Sacco et Vanzetti, qui deviendra plus tard le groupe Kronstadt. Certains autres groupes subsistent quelques années, comme c'est le cas pour le groupe individualiste du 15e arrondissement, dont fait partie maintenant Georges Brassens. Dans le groupe du 15e, Brassens rencontre Armand Robin, avec lequel il se lie d'amitié. Il est important ici de se rendre compte du poids d'Armand Robin dans la construction de Brassens. Armand Robin est un homme singulier, doté d'une très grande culture lui aussi. Il est anarchiste individualiste et a rejeté depuis quelques années le communisme. De plus, Armand Robin est poète et Brassens, à travers lui, redécouvre tous les poètes qu'il a rencontrés dans les livres. Tous les deux deviennent très intimes, se rendant chez l'un, chez l'autre très régulièrement. Au cours de l'année 1946, Armand Robert a déjà fait publier quelques articles dans Le Libertaire. En 1946, Le Libertaire occupe une place très importante. Célèbre d'ailleurs le plus vendu, il tire jusqu'à 100 000 exemplaires et bouscule la vie politique et sociale du pays. Brassens, qui pour le journal Le Cri des Gueux a déjà écrit quelques articles pamphlétaires, a envie d'écrire pour Le Libertaire dans lequel il pourrait exprimer librement ses idées. Fin juin, Brassens se décide, il écrit un article qu'il propose au journal, un conte policier qui pourrait être une réalité. Il s'agit d'un article anti-flic qui tend à montrer l'absurdité de la guerre. Le vendredi 28 juillet 1946, il se procure un exemplaire du Libertaire et à son grand étonnement, voit son article en troisième page aux côtés d'un article sur Kafka et d'un autre sur le sombre avenir de l'économie française. Le lendemain, il se rend quai de Valmy au siège de la Fédération anarchiste, mais pas de responsable du journal. Pour cela, on lui propose d'aller voir Henri Bouillet dans son magasin de fleuriste, le Floraliès, rue de la République, dans le 11e arrondissement. Dans la foulée, Brassens rend visite à Henri Bouillet. Entre les deux hommes, le courant passe bien, et Brassens se met à écrire chaque semaine quelques articles pour le journal anarchiste. Rapidement, devant l'implication de Brassens, Henri Bouillet lui propose une collaboration plus suivie. Georges Brassens, qui a découvert au printemps la vie militante, se rend probablement au grand meeting en commémoration de la Révolution espagnole de 1936, le dimanche 21 juillet, dans la salle de la Mutualité, dans le 5e arrondissement de Paris. Présidé par le camarade de Ciutat, le meeting est tenu sous l'égide des mouvements libertaires espagnols et italiens en France, de la Fédération anarchiste française ainsi que de la CNT. Les différents orateurs y déclament leur solidarité révolutionnaire et insistent particulièrement sur les raisons politiques qui poussent les démocraties vainqueurs à ne pas précipiter la chute de Franco en Espagne. Dans de nombreuses autres villes en France, on célèbre également cet anniversaire par des meetings grandioses. C'est le cas à Marseille, à Montpellier, à Perpignan, à La Rochelle, Chambéry, Caen, Brest, etc. Toutes les semaines, Brassens écrit davantage d'articles. Le travail pour la conception du Libertaire ne se fait pas au siège du mouvement, quai de Valmy, mais à l'imprimerie du Croissant, rue du Croissant, dans le 2e arrondissement. Au mois d'août, Brassens s'implique toujours davantage. Il devient même correcteur. Il choisit les articles et corrige les textes qu'on envoie au journal. Il propose des formules qui sont acceptées. Il propose des articles de ses amis. Et il continue à s'investir encore davantage dans l'écriture de ses articles. Du mois de juin 1946 jusqu'au congrès de Dijon à la mi-septembre, Brassens publie pas moins de 54 articles. Ces articles sont nettement anticléricaux, antimilitaristes, antipatriotiques, antiétatiques. Ils taillent la justice et la police copieusement. Dans ces articles, ils montrent aussi une grande défiance envers le monde politique et ses hommes. Le communisme étatique et ses journaux, ainsi que le capitalisme, ne sont pas épargnés. En revanche, il exprime sa foi dans le peuple. Brassens s'exprime aussi dans la partie du journal consacrée à l'art et à la poésie, avec des articles sur Baudelaire ou Pierre Lachambeaudie, par exemple. Dans cette rubrique, Armand Robin s'implique aussi, tout comme un ami qui deviendra très intime à Brassens, c'est Roger Toussenot. Lui est philosophe et écrit dans Le Libertaire des articles sur le cinéma. En à peine plus d'un mois, Brassens devient une pièce maîtresse du journal et surtout possède les compétences requises pour devenir secrétaire de rédaction. Devant son implication, Henri Bouillet lui suggère d'occuper le poste de secrétaire de rédaction dès le mois d'octobre 1946 à l'issue du congrès de la Fédération. Pour le journal, la répartition des postes se fait en fonction des compétences. Ce sont bien souvent les professionnels de l'imprimerie, typographes et correcteurs qui se trouvent propulsés au poste à responsabilité. De plus, il faut avoir fait ses preuves depuis assez longtemps, Ce qui fait qu'il est assez exceptionnel que Brassens soit proposé à ce poste seulement 2 mois après son arrivée dans les locaux du journal. Au mois de septembre 1946, la date du congrès de la Fédération anarchiste approche. Brassens n'occupe pas encore officiellement le poste de secrétaire de rédaction, mais en réalise de nombreux travaux. Il choisit et corrige les articles et répond déjà aux courriers des lecteurs. Brassens a véritablement pris sa place au sein du mouvement et devient un militant indiscutable. À ce titre, il se doit, comme il est mentionné au dos de chaque carte de militant, d'être le premier dans la lutte, d'aider par tous les moyens à sa disposition l'organisation qu'il a choisie, de diffuser le libertaire et de faire rayonner autour de lui l'esprit libertaire. Pour ces tâches, Brassens œuvre en étroite collaboration avec Henri Bouillet et avec un personnage qui deviendra un ami de toute une vie, Marcel Lepoil, qu'il surnomme le prophète de Cormeilles-Parisis. Les 13, 14, 15 septembre 1946 a lieu le congrès de la Fédération anarchiste à Dijon. Les congrès anarchistes ont lieu tous les ans et celui-ci a pour but de déterminer le rôle de la Fédération et le sens de son action. Je n'ai pas retrouvé de traces que Brassens y ait participé. À cette époque, la Fédération anarchiste a pour objectif de rassembler tous les militants car avec la Seconde Guerre mondiale, le mouvement s'est effondré. Il n'y avait alors quasiment plus de rapport organique. Avec ce congrès, la Fédération réunit au sein du mouvement les communistes libertaires, les anarcho-syndicalistes et les anarchistes individualistes. Il est important pour la suite de souligner qu'en 1946, l'unité qui semble régner n'est que de façade et différents clivages renaissent, notamment entre les communistes libertaires, qui sont nombreux dans la région parisienne, et les anarchistes individualistes. Toujours lors du congrès, Henri Bouillet, à qui il est reproché d'avoir échoué à réunir les différentes tendances, démissionne et devient un simple militant. Georges Brassens perd là un soutien pour la conception du journal. Avant sa démission, Henri Bouillet expose la situation du libertaire. Le journal reçoit les félicitations pour les progrès accomplis durant cette année, tant sur le fond que sur la forme. Et Henri Bouillet préconise de réfléchir attentivement au choix d'un futur secrétaire de rédaction dont la tâche s'annonce des plus délicates. Comme on peut le voir sur la diapositive, les anarchistes français sont constitués en groupes locaux, ils sont fédérés en régions qui elles-mêmes sont fédérées en une fédération nationale, la Fédération anarchiste de langue française. La fédération est l'organisme de liaison des militants, des groupes et des régions, elle est administrée par le comité national qui est renouvelé par moitié tous les ans. Le comité national se réunit une fois par semaine et se charge de la publication du LIEM, l'organe interne de la fédération. Enfin, la fédération anarchiste adhère à l'international anarchiste selon les modalités déterminées par le congrès anarchiste international. Avec ce congrès, l'organigramme de la fédération anarchiste est décidé. Georges Fontenis, qui est communiste libertaire, devient le secrétaire général. Georges Brassens s'est proposé comme secrétaire de rédaction et est nommé comme tous les autres à l'unanimité. Il sera épaulé fidèlement par Marcel Lepoil et par un comité de rédaction. Pour ce poste de secrétaire de rédaction, Georges Brassens est rémunéré 9000 francs, ce qui correspond environ à 900 euros en 2020. En étant secrétaire de rédaction, Brassens devient également membre du comité national dont le rôle est d'envisager les problèmes posés par l'actualité et expédier les affaires courantes. Dans l'organisation, les tâches qu'accomplissent les militants sont toutes de même valeur. Coller une affiche, distribuer un tract, écrire un article ou prononcer un discours. Il n'y a pas de hiérarchisation afin de ne privilégier aucune responsabilité. Il n'y a pas non plus de compétition, chacun faisant ce à quoi la nature le destine davantage. En étant secrétaire de rédaction, Brassens va, durant quelques mois, effectuer un travail considérable qui, habituellement, dans d'autres journaux, est réalisé par un personnel nombreux. Chaque semaine, il réunit le matériel d'information et de copie nécessaire à la conception du journal. Il en prend connaissance détaillée et en informe le comité de rédaction. Il prépare tout ce qui concerne la composition du journal. Il assure la correction et la mise en page avec les changements de dernière minute. Et bien sûr, il surveille le tirage. Par son initiative, il veille à l'équilibre des numéros et part aux lacunes qui peuvent se produire dans la tenue des rubriques. Il assure également la correspondance avec les auteurs et les lecteurs. Et enfin, il reçoit les visites de camarades au bureau du journal. Ce poste entraîne des séances de travail de 12h à 16h les premiers jours de la semaine. Le travail du mercredi se passe la journée, la soirée, et parfois la nuit pour préparer l'apparition du journal le vendredi. En plus de ses tâches de secrétaire de rédaction, Brassens poursuit l'écriture hebdomadaire de ses articles. Suite à une décision du Congrès, l'anonymat est dorénavant abandonné. Cela permet à chacun de prendre la responsabilité de ses écrits. Brassens signe désormais certains de ses articles par divers pseudonymes, comme il y est de coutume dans le milieu anarchiste. Mais la plupart de ses articles dans le journal demeurent non signés. Il signe Géo Cédille, Charles Brentz, Gilles Collin, Charles Malpayet ou encore Georges Pommier, président de la Muse du Vergalant. Profitant de son second prénom Charles, Brassens signe souvent par les initiales GC. Son pseudonyme Gilles Collin vient certainement de sa fascination pour François Villon, le poète maudit du Moyen-Âge. Brassens fait certainement référence à Collin de Cailleux, le complice de François Villon dans la bande de la Coquille, qui sévit dans la région parisienne au XVe siècle. Si Brassens utilise tant de pseudonymes pour concevoir un numéro du journal, c'est que les contributeurs sont peu nombreux. Pour enrichir le journal, un collaborateur qui écrit plusieurs articles utilise des pseudonymes différents. Frédéric, je peux te poser une question ou... plus ou à la fin. D'accord, ok. Bon, c'est non, c'est juste, je ne sais pas ce que ça veut dire, anarchiste, individualiste. Eh bien, plutôt à la fin. Non, non, très très bien. Mais on m'aidera un peu à répondre, j'espère. Bon, non, on ne voit pas très bien, je vais expliquer. Au mois d'octobre, Brassens s'implique toujours dans l'art. Avec certains de ses amis, il se rend à l'exposition d'un vieux peintre révolutionnaire et satirique, Jean Galliani, qui connut Sébastien Faure et Louise Michel. Tous tombent sous le charme et Galliani leur propose de choisir une œuvre pour illustrer le libertaire. Georges Brassens et ses amis choisissent le tableau La Sainte Trinité. Sur ce tableau, on voit un curé, un militaire et un mercanti qui représentent fidèlement la société exécrée, avec en toile de fond le monde industriel et ses usines. Dans le ciel planent au-dessus de leur tête des oiseaux sombres de mauvaise augure. La photographie du tableau paraît en page 3 du Libertaire, le 25 octobre 1946. À ce moment, au mois d'octobre, Brassens prend de plus en plus ses aises dans le journal. Il écrit une fois une critique de film qui signe Marcel Planche, son hôte à l'impasse Florimond. Il propose des changements de typo pour le journal qui ne plaisent pas à tous au sein du comité national. Je vais maintenant aborder l'implication de Brassens au sein du comité national par ses activités militantes. La première réunion du comité après le congrès se tient le 26 septembre 1946. Brassens participera à toutes les réunions chaque semaine jusqu'en décembre. Au sein du comité national est créée la commission culture et propagande dont Brassens fait partie. Le rôle de cette commission est la création et la diffusion de tracts et d'affiches. Brassens participe à la confection de deux affiches anti-électorales. En voici une. La première paraît dans le Libertaire du 11 octobre 1946. Il s'agit d'une affiche dirigé contre le référendum sur la constitution de la 4e République qui a lieu deux jours plus tard et qui sera approuvé à plus de 53% des Français. Georges Brassens participe à l'écriture du texte aux côtés de Marcel Lepoil et de Georges Fontenis. Une autre affiche, rédigée par Brassens en collaboration avec quelques-uns de ses compagnons, Georges Fontenis, Maurice Joyeux, Henri Auriol et le camarade Chéri, paraît dans le Libertaire le 1er novembre 1946. Cette affiche antipoliticienne et anti-étatique conteste la constitution validée par le référendum. Elle dénonce les pratiques électorales, la domination de l'État par la violence et pour le contrôle de la pensée. Elle propose le boycott des élections législatives qu'une majorité de la population rejette par dégoût général pour la politique. Et enfin, elle appelle au passage à l'action directe par les travailleurs pour lutter et gérer eux-mêmes la production et la répartition. Lors de la réunion du jeudi 3 octobre 1946, Brassens s'implique dans un courrier reçu par la Fédération à propos de Gustave-Henri Jossot, le célèbre illustrateur de l'assiette au beurre au début du siècle. Après l'étude du courrier par le comité, Brassens se charge d'y répondre afin de définir les modalités d'une future collaboration avec le caricaturiste. Le 15 novembre 1946, dans le numéro 55 du Libertaire, paraît cette illustration de Jossot. Une autre des activités de Brassens est de devenir le délégué de la Fédération auprès du syndicat de la presse hebdomadaire afin d'y adhérer en qualité de journaliste. Georges Brassens participe également à la tenue du meeting annuel de la Fédération. Ce meeting se tient le 24 novembre 1946 à la salle de la Mutualité, comble de 3000 participants. Il se présente sous l'égide de la Solidarité internationale antifasciste, la SIA, et a pour objectif de dénoncer tous les crimes du fascisme international en Espagne, en Italie, en Grèce et en Bulgarie. Le 30 décembre 1946, un samedi soir, Brassens participe à une réunion du comité des fêtes dans le but de préparer au mieux le prochain meeting. C'est l'une de ses dernières apparitions au sein du comité national. Outre les meetings, les propagandes se multiplient pour faire connaître les idées anarchistes à la population française. Durant les mois de novembre à janvier, de nombreuses tournées sous la forme de conférences publiques et contradictoires sont organisées à Paris et à travers toute la France, le Nord, le Midi, le Lyonnais, les Pyrénées, la Bretagne et même l'Algérie. Ces réunions informent et proposent des solutions aux problèmes du moment. Elles ont la volonté de présenter le vrai visage de la Fédération anarchiste à une jeunesse avide de renouveau et dégoûtée des politiciens. Elles ont pour thème les libertaires et les partis politiques, le fédéralisme, son rôle présent et futur, ce que veulent les anarchistes, les scandales économiques du capitalisme, etc. Je vais maintenant vous parler de la démission de Georges Brassens du comité national et de son poste de secrétaire de rédaction. Si Georges Brassens aime s'impliquer dans cette organisation anarchiste, à partir du mois d'octobre 1946, il commence déjà à avoir quelques réticences. Il regrette que la littérature et le cinéma n'aient pas une place plus importante dans le journal et que certains articles de son ami Toussenot soient rejetés régulièrement par le comité de rédaction. Son travail de correcteur commence à lui peser car il en a assez de lire et de corriger des feuilles mal écrites. Et puis, il a un peu l'impression d'être considéré par certains membres du comité national comme un imbécile. Ce qui le conduit à partir du 24 octobre 1946 à ralentir nettement la publication de ses articles. Certaines critiques sur quelques-uns de ses articles ou sur le journal ont pu l'agacer également. Il lui est reproché d'écrire sur certaines personnalités, comme il le fait dans son article « Aragon a-t-il cambriolé l'église de Bon Secours ?» dans lequel il fustige le capitalisme et l'église. Certains, au sein du comité national, proposent que le journal ne soit plus confectionné que par quelques-uns, mais qu'il soit davantage encadré par la création d'un comité de presse avec un responsable pour chaque rubrique. Ce que Brassens trouve idiot, car pour lui, chacun est capable d'écrire sur le sujet qu'il souhaite. Devant de nombreuses remarques, Brassens provoque la convocation du comité de rédaction pour le jeudi 21 novembre 1946 afin de discuter des divergences. Mais il y a surtout les nombreux conflits internes qui viennent émailler les réunions hebdomadaires. L'un d'eux va particulièrement affecter Brassens. Lors de la réunion du 19 novembre 1946, Henri Bouillet, qui a démissionné depuis le congrès de Dijon, est invité à la réunion pour s'expliquer sur la répartition du papier lorsqu'il travaillait encore pour le journal. Brassens profite de la présence d'Henri Bouillet pour proposer à ce qu'il puisse réintégrer l'imprimerie et ainsi reformer l'équipe Brassens, Le Poil, Bouillet, qui fonctionnait très bien avant le congrès de Dijon. Certains compagnons s'insurgent alors contre la présence de Bouillet à la Réunion, estimant qu'il n'a rien à y faire. À partir de ce moment, Brassens n'écrit quasiment plus d'articles pour le journal. De plus, les efforts qu'il a déployés pour mettre le courrier à jour l'épuisent. Il refuse alors d'être chargé de répondre à la prose débilitante de certains lecteurs. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'au sein du comité national, il y a une majorité de communistes libertaires avec lesquels Brassens est ami, mais avec lesquels il n'est pas toujours d'accord. Avec eux, il a de plus en plus l'impression de travailler comme dans une administration de rédaction, avec à sa tête un président qui est communiste libertaire. Et Brassens disait, ce n'est plus de l'anarchisme, il tourne vers le communisme, et moi, le communisme, je n'en veux pas. Pour lui, l'organisation devenait autoritaire, alors qu'elle devait procéder d'une libre entente entre ses membres en fonctionnant de manière ouverte, sans souci d'unité idéologique. Dès lors, le 6 janvier 1947, prétextant une grave pneumonie, il démissionne de son poste de secrétaire de rédaction et du comité national de la fédération. Brassens, ce n'est évidemment pas son anarchisme individualiste qu'il remet en question. Il quitte certes le comité national de la fédération anarchiste, mais reste militant au sein du groupe du 15e arrondissement, affilié à la fédération. Et surtout, il disait, j'ai une violente envie d'écrire dans une feuille libre, entouré d'écrivains et non de rustres et d'ignorants abécédaires. Brassens poursuit ensuite son aventure militante au sein du groupe du 15e, domicilié maintenant dans l'arrière-salle d'un bar-tabac, le Jean Bar, situé au 44 rue du Docteur Roux. Les groupes anarchistes se réunissent souvent, faute de locaux, dans les arrière-salles de bar, d'où ils sont parfois chassés car ils consomment peu. Et je termine par une petite anecdote à laquelle Brassens a peut-être participé, puisque quelques militants du 15e arrondissement étaient présents. La traditionnelle manifestation commémorative à l'honneur de Louise Michel au cimetière de Levallois-Perret, où elle fut inhumée le 9 janvier 1905, a eu lieu sous les auspices de la municipalité, des amis de la commune et des organisations politiques et patriotiques locales. Un cortège de 500 personnes se rend au cimetière en présence de 5 drapeaux tricolores, de 4 drapeaux rouges, dont celui de la commune. Arrivés sur la tombe de Louise Michel, la Marseillaise ainsi que l'Internationale sont joués. À l'issue du discours du maire Auguste Gillot, des anarchistes présents à la commémoration proteste bruyamment en criant « Ces mascarades patriotiques sont une insulte à la mémoire de Louise Michel, que ce soit la droite ou la gauche. Ils nous ont volé Jeanne d'Arc et la Marseillaise. Ils veulent à présent nous voler Louise Michel en venant baver dans les cimetières. » La police municipale intervient et procède à l'arrestation de 3 anarchistes, dont Georges Fontenis et un militant du groupe du 15e. Tous sont remis en liberté après avoir été conduit au commissariat pour les vérifications d'usage. Et voilà, je termine. Et il a collaboré aussi au journal Le Combat Syndicaliste, ce sera expliqué tout ça dans le bouquin. Là, quelques causeries qui ont eu lieu dans le groupe du 15e arrondissement. Il a participé à la revue Universo, mais sur un article qui n'a pas vu le jour. Donc il a participé, mais il n'y a pas d'article dans ce journal de lui. Ensuite, il y a eu un autre projet de journal, L'Anarchiste. Mais qui lui non plus ne verra pas le jour, mais bon, tout ça c'est expliqué dans le bouquin. Et puis je terminerai par cette phrase de Brassens qu'il avait écrite ou prononcée, je ne sais plus, en 1968, dans un article. Voilà. Le militantisme, j'en suis parti uniquement parce que j'avais autre chose à faire, j'ai eu tout à fait tort d'arrêter de militer. Et c'est terminé. Alors il y a nos amis musiciens qui sont arrivés. Ah, c'est super. Donc peut-être répondre aux questions et puis après faire de la musique, comme tu veux. Oui. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Alors donc il y avait une question. Ouais, mais il faut m'aider. Hein. Oui. Je suis allé réviser, mais c'est pas évident. La réponse, elle est là-dedans. Ah, voilà. C'est par Brassens lui-même, donc c'est. Mon individualisme d'anarchiste, c'est un combat pour garder ma pensée libre. Je pense qu'il a défini assez bien ce que c'est qu'un anarchiste. Bon, après, dans le mouvement anarchiste, on va dire qu'à une époque, bon, la classification a changé, mais à une époque, on parlait de communiste libertaire, d'anarcho-syndicaliste et d'individualiste. Après, c'est des courants qui peuvent se mélanger à des moments. Et vous avez des gens qui sont dans des syndicats qui sont individualistes. Disons que par rapport aux autres, les individualistes, ils veulent peut-être pas attendre le grand soir, la révolution, et déjà faire des actions dès aujourd'hui. Ça peut être par l'éducation, par des communautés libertaires, par des lieux de vie différents, des ZAD, je ne sais quoi. Et c'est l'anarcho-syndicalisme et le communiste libertaire, si je dis conneries, vous m'arrêtez. Ont pour but la révolution, un changement total de société, alors que l'individualisme, c'est déjà changer nous-mêmes, faire des groupes par affinité et faire des expériences. Quelqu'un a autre chose à dire? Alors allez-y, posez toutes les questions que vous voulez, c'est tout sur Brassens, anarchiste en tout cas. Oui, moi j'avais une question. Enfin, bravo pour le travail de compilation et de recherche de toutes ces activités journalistiques, etc. Et je me demandais si vous abordiez aussi la question du contenu de ces chansons, des paroles de ces chansons, et de quelque part d'avoir une analyse de texte de ces chansons vis-à-vis de la pensée anarchiste. Ou si c'est pas quelque chose. Non, j'ai pas travaillé sur ces chansons. Juste à la fin, il y a un chapitre sur certaines controverses qu'il y a eu pour certaines de ces chansons. De toute façon, l'esprit de liberté, il est tout le temps. Enfin, alors le mot anarchie apparaît très peu, je crois. Dans ces chansons, ouais, oui, une fois dans la tombe, c'est vraiment. Voilà. Mais à travers le bouquin, j'espère qu'on pourra avoir une vision un petit peu approfondie, un petit peu différente de ses chansons. Chantal. Oui, à la fin de sa vie, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce qu'il a passé à travers les interviews, par exemple? Est-ce qu'il a parlé un petit peu de ses engagements à la fin de sa vie? À la fin de sa vie? Oui. Non, il n'en parlait pas beaucoup de ses engagements passés. Oui. Il en parlait assez peu. Okay. Il en parlait de toute façon très peu. Il fallait vraiment qu'il soit en confiance avec quelqu'un pour pouvoir parler de ces choses-là. C'est pour ça que c'est assez rare de trouver des témoignages. Jusqu'en quelle année il a fait des galas pour le monde libertaire? Pour le monde libertaire, jusque. Et pas que pour le monde libertaire d'ailleurs. Le milieu des années 60, je crois à peu près par là. Donc, il a commencé dans la chanson en 52. Ouais, pendant 15 ans, il a fait des galas. Il a fait à peu près une vingtaine ou 25 galas de soutien pour divers journaux. Mm-hmm. On en a parlé de ça? Ah non. Alors, donc, Fred a retrouvé le rapport d'Hergé sur Brassens. Oui, c'est détaillé dans le livre, mais... Voilà, donc ça, c'est la photocopie de l'original que tu as trouvé où? À la préfecture de police, aux archives de la préfecture de police, à Paris, à Pantin. En quelle année? En 49, donc c'était trois ans avant qu'il commence la chanson. C'est marrant, parce qu'avant, ils ne sont pas aperçus qu'il est anarchiste. Parce que là, ça a l'air d'être la première note. Oui, là, c'est la première note que j'ai trouvée. Oui, après il y en a peut-être une autre. Non mais en le lisant, on a l'impression qu'il découvre qu'il a d'archiste. Donc je l'écris dans le bouquin, mais j'ai pas pu la faire apparaître dans le bouquin parce que les messieurs n'étaient pas d'accord. Monsieur de la police, des archivistes. Vous pouvez les prendre en photo, mais il ne faut pas que ça passe. Vous pouvez être maintenant. Non, bah, j'avais une autre question. Comment vous en étiez arrivé à étudier Jean Brassens? Pourquoi être allé vers cet objet d'étude, ce sujet? Est-ce que par votre histoire personnelle, une attirance pour le... Oui, bien sûr, une attirance pour le chanteur. Pourquoi commencer à débuter? Il y a tellement longtemps que je mettais de temps en temps des choses de côté. Je me disais un jour je ferai quelque chose. Et puis, aussi, il y avait son centenaire approché. Et voilà, après, il y a 4 ans, j'ai vraiment approfondi les recherches. Et pendant 2 ans, je suis allé dans les archives à Paris, les archives départementales, au CIRA de Lausanne, en Suisse pour trouver des documents, et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de documents et que je pouvais en faire quelque chose, alors j'ai écrit ça. Après, toi qui es de l'Hérault, c'était un voisin aussi. Oui, c'était un... Tu peux jouer aussi, ça. D'autres questions? Sur le... Oui. En 70, Brassens, il est interrogé par Chancel. Et il dit ceci, c'est très intéressant parce que justement sur le choix des chansons et tout ça, il dit en 68, ceux qui l'ont fait étaient plus habilités que nous à la parler, les étudiants. C'était plus leur problème que le nôtre. C'est toujours facile quand on est connu, quand on gagne sa vie et qu'on la gagne bien d'ailleurs en chantant des chansons. C'est toujours facile quand on est un peu habile d'écrire une chanson sur les événements de mai. Je ne reproche à personne de l'avoir fait, mais moi, je me suis toujours défendu de faire des chansons pareilles. Je ne peux tout de même pas chanter des événements de mai, me faire payer pour ça. Peut-être ai-je tort, je n'en sais rien, mais je suis comme ça et je le resterai. Je pense que c'est une attaque directe contre Léo Ferré. Donc, quant au contenu des chansons, c'est vrai que bon, je pense que la question que tu soulèves, c'est si tu veux un peu le... Outre ces thèmes très forts sur l'antimilitarisme, sur beaucoup l'antimilitarisme, c'est le rapport aux femmes, c'est le rapport dans ces chansons, comment il... La demande en mariage, par exemple. Oui, il n'y a pas que ça, il y a Fernande, il y a des femmes vraiment merdes, c'est vrai qu'il y a un rapport dans ces chansons qui est assez... Qui est un mélange de douceur et d'affrontement, quoi. Je pense que... Alors, est-ce que c'était l'époque, il était baigné dans ça? Est-ce que... Je sais pas, en tout cas, c'est peut-être... Il y a peut-être quelqu'un qui devrait faire une analyse de ces chansons. Parce que ça, c'est à creuser, hein, de voir... Parce qu'il est très contradictoire dans ces chansons, sur son rapport au film. Il a été accusé d'être misogyne. Oui, oui, oui. Ce qui est très intéressant, à mon avis, moi, c'est surtout qu'il a fait passer les copains, même les camarades, lorsqu'il s'est mis à parler de politique. C'est-à-dire que lorsqu'on analyse certaines chansons, on s'aperçoit que la meilleure, finalement, c'est les copains d'abord, et que d'autres personnes ont fait les chansons. Tout à l'heure, j'évoquais Jacques Brel, quand il disait les bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Et c'est la même merde. C'est d'ailleurs pour ça que Brassens était ami avec Brel. Et moi, j'estime qu'il y a certaines chansons qui sont très intéressantes à analyser. Parce que le problème avec certains syndicats, c'est que le secrétaire général du syndicat fait passer le pouvoir avant le sens de l'humain. Et c'est pour ça que tant de personnes se méfient des syndicats. Parce que si on compare. Et là, on aborde un sujet qui est très ennuyeux, c'est que par exemple le fascisme, c'est le pouvoir des faisceaux, les faisceaux, c'est le pouvoir représenté par un seul, et c'est ce qui se passe pour certains syndicats, on le voit en ce moment, par exemple à Marseille, avec le syndicat des poubelles, où la majorité des gens sont contre certaines décisions, et qu'ils continuent quand même envers et contre tous. Et lorsque je vois des personnes qui accompagnent le secrétaire du syndicat avec des masques, pour parler crûment et vulgairement, ils n'ont pas des couillons durs. parce qu'ils ne sont pas fiers de leur opinion. Ils se cachent derrière le masque, alors qu'ils devraient au contraire le dire à haute voix, je m'appelle Dupont, et je trouve que c'est anormal. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de libertaire ou d'anarchiste, c'est très délicat quelquefois, parce que la majorité des gens ne comprennent pas exactement la signification des mots. Et encore bien moins la signification de certaines actions. Faites ou non faites. En fait, c'est mon avis. Hein. Et moi, je fais partie de. Je serai un anarchiste individualiste, parce que je respecte l'individu avant de respecter les groupes. Et je me méfie, quand il y a 10 personnes qui sont du même avis, je commence à le venir avec pied. Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai qu'on comprend. Ça, c'est. Non, je disais le fait qu'il y ait des communistes anarchistes, au départ, est-ce que, pas, et que tout ça a été une grosse organisation, qu'il ait fait partie de cette organisation à un moment, c'est, de toute façon, c'était écrit que ça allait se terminer un jour, puisque dans sa manière de penser à lui, justement, il ne pouvait pas. Non, ouais. C'est surtout les conflits qu'il y avait au sein. On évite les discussions parce qu'après pour l'enregistrement, ça va être n'importe quoi. Jean ? Pardon. Donc après, moi, je vais revenir. La fédération anarchiste, bon, je ne suis pas militant de la fédération anarchiste, mais après, il y en a qui ont été militants ou qui le sont encore, qui peuvent expliquer. C'est une fédération, comme son nom l'indique, et peuvent cohabiter à l'intérieur les différentes tendances. Et après, bon, s'il y a un groupe, les individus, s'ils ne sont pas à leur place, ils peuvent fonder un autre groupe. Moi, je connais un gars qui est militant à l'AFA, il est tout seul dans son groupe. Et après, il y en a d'autres qui... Non, mais sérieux, après, ça n'empêche pas qu'il fasse énormément d'actions, qu'il diffuse la presse, parce qu'après, si on a la fédération anarchiste, ça veut dire qu'on diffuse le journal, qu'on pose ses affiches. Ils ont un point commun, je pense. Et après, il y a des groupes qui sont à dominante anarcho-syndicalisme, donc la plupart sont dans des syndicats, par exemple. Et c'est le... Alors qu'il y a d'autres organisations anarchistes, comme l'UCL, ce sont des communistes libertaires. La CNT, ce sont des anarcho-syndicalistes. L'AFA, en principe, tout le monde peut cohabiter. Après, ça doit être très difficile. Effectivement, parce que c'est des positions assez différentes. Pour répondre à la dame, en fait, c'est après la guerre, quand il y a eu la fin de la guerre, il y a eu la fusion de deux groupes, de la tendance individualiste et de la tendance communiste libertaire. Après-guerre, ils ont décidé de se rejoindre. Parce qu'il y avait un engouement, parce qu'ils pensaient que la société allait changer et tout. Mais c'est vrai que ce qui avait déjà mené la division avant-guerre, c'est reparti de suite après-guerre. Ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils arrivaient à travailler ensemble, mais à certains moments donnés, justement sur le point de l'organisation, Brassens s'explique très bien, ils expulsent des compagnons, et pourquoi, on ne sait pas, il y a des histoires de groupes, ouais. Voilà, donc c'est partout. C'est pour ça que pour les anarchistes, le fédéralisme est important, c'est-à-dire qu'on peut se fédérer, même si on est seul, on peut s'associer librement avec d'autres pour des trucs ponctuels, sans être enchaîné à quoi que ce soit, dans une organisation. Tu n'as pas parlé de la FCL. Tu as parlé de la FCL de Francis ? Non. Oui, donc ce qui s'est passé là, au moment, un peu après que Brassens soit passé par la Fédération anarchiste, il y a eu effectivement une scission, un nouveau groupe. Ben, la Fédération anarchiste s'est transformée en Fédération communiste libertaire. En 53, voilà. Donc elle était uniquement communiste libertaire. Et les autres ont fondé une nouvelle Fédération anarchiste. Et la Fédération communiste libertaire est partie avec le journal Le Libertaire. Et c'est depuis cette époque qu'il existe un journal qui s'appelle Le Monde Libertaire. Et bon, ils ont cohabité un peu. Après, la FCL a eu d'autres ennuis, peut-être c'était un peu dogmatique. Il y a eu la guerre d'Algérie qui n'a pas arrangé les choses, puisqu'ils soutenaient le FLN. Et l'expérience est terminée à la fin des années 50. Et donc, Brassens s'est emmerdé parce que il y avait un gala du Libertaire, un gala du Monde Libertaire. Oh, il a choisi. Il a choisi tout de suite. D'accord. Oui, tout de suite, il est. Il est de la nouvelle fédération et pas de la. Ouais. Et pas de, ce, de la fédération. Mais tu dis qu'il y a un gala qui a été annulé, un gala du Libertaire, où il devait participer et qui n'a pas eu lieu. Oui, le gala a eu lieu, mais il n'y avait personne. Et puis Brassens, il avait choisi votre. D'accord. Gala, il était à l'affiche, il n'est pas venu. Il était à l'affiche, il n'est pas venu. D'accord. Bon, enfin, ça, c'est, des, c'est de l'histoire, petite histoire, mais bon, qui a son importance. Ça, en partant de ta question sur l'individualisme, oui, c'est pas simple, là, quoi, ces tendances. Est-ce qu'il y avait des relations, enfin, avec la libre-pensée de la part de Jean-Jean Brassens? Parce que quand je vois ses positions, je les trouve très libre-penseuses. Quand il est venu à Marseille, là. Il est venu, ouais. Il était copain avec Larue, ouais. Avec André Larue. Voilà, d'accord. Donc, André Larue, pour ceux qui ne savent pas, c'était un anarchiste individualiste installé à Marseille et qui a eu vraiment le type même de l'individualiste. Quand il venait à Marseille, il venait chez lui. Et membre de la Libre Pensée, puis créateur de la Libre Pensée autonome de Marseille. D'autres questions? Ce qui est remarquable dans les Brassens, c'est que c'est le seul qui a pu faire comprendre qu'un anarchiste peut être un poète. C'est pas le seul. Armand Robin. Louis et Michel a fait plein de poèmes. Avec un grand public. Moi, le seul. Oui. Donc, si vous avez. Bon, après, de toute façon, on a le temps, le local n'est pas fermé, pour y discuter avec Fred pour lui poser des questions précises. Donc, nos amis musiciens, si vous voulez vous rapprocher, on va vous faire de la place. Ils utilisent cet espace, hein, déjà pour les laisser passer avec leur propre base, leur place. Oui. Chacun son tour, on fait un peu. Grâce à Tonio et à ses collègues. Bien joué. Merci les gars. Moi, on y va pour Gaston Crémieux, alors commune de Marseille, allons-y. Allez. Comme un écho c'est béni, le peu que je dois être, et le tout que je suis, j'aime l'ombre et je hais la vanité qui brille. Et alors, pour la suite, on a dit qu'on restait sur du Gaston Crémieux, c'est ça? C'est bien ça. Donc, une partie toujours extraite des Voix du Peuple, des poésies de Gaston Crémieux. Et celle-ci, on l'appelle En avant. En avant. Michel, qui s'appelle... Donc là, c'est un poème aussi, qui s'appelle Les prisonniers du château d'If, qui a été écrit en 1871 par Jacques Barrault, qui était détenu au château d'If pour avoir participé à la commune de Marseille aussi. Donc c'était un journaliste et il n'a pas été emprisonné longtemps, mais il a eu le temps d'écrire ce poème le 15 avril 1871. Au château d'If, qui est aujourd'hui un lieu touristique, mais qui à l'époque était la pire des prisons marseillaises. Insalubre, battu par les flots, absolument gardé, donc personne ne pouvait s'enfuir. Ils étaient entassés après la commune, près de 500 personnes ont été envoyées au château d'If. On a du mal à imaginer aujourd'hui quand on voit ce lieu si beau. Donc lui, il a écrit ce poème et c'est pareil, c'est la première fois qu'il est mis en musique. Sonore. Donc ce sont des scoops. On reprend les scoops. Ça vous permet de vous livrer quelques scoops. Et du coup, oui, il nous raconte la déportation, la translation des prisonniers de la gare. Sont enfermés les prisonniers, les insurgés plus ou moins de la commune, sont enfermés à la gare, et là on les amène donc en direction du port pour ensuite aller au château d'If. C'est un petit zoom là-dessus, ouais. Pour ce scoop-là. Vas-y, Greg. La nuit du 7 avril à 7h indécise, où la lune pâlit et l'horizon s'irise de quelques reflets d'or. Un convoi de captifs à la parole rare de la vieille fosse évacue à la gare. Un chien dangereux quand on craint qu'il morde, toujours se souvenant de la seule compagnon de la lampisterie qu'on avait avant-veille, horrible tragédie, fusillé froidement. Traités de la sorte, ils avaient à coup sûr projeté quelques portes et volé l'habitant. Non, non, ces malheureux étaient purs de tout crime. Ils n'avaient ni tué, ni préféré la libre, ni violé leurs enfants. Atteindre la mer d'une lueur nacre, éclairer ce jour-là. Mais encore des lâches, lâchées dans la guerre, recouvrir le front, les encres se lèvent, et la mise au Saint-Denis. Siècle en dessin nul dans la caravane ne le peut indiquer. Ah oui, tout ce qu'on sait, c'est que l'on vous emporte loin de ce qu'on aimait, après cela qu'importe où l'on va débarquer. Une aura et malsaine pour coucher le sol nu, pour récréer leur paix. la promiscuité. Et quand l'eau manquera sous les voûtes profondes, ils auront les odeurs des grands banquets immondes de la communauté. Et quand l'eau manquera sous les voûtes profondes, ils auront les odeurs des grands banquets immondes. Donc bien sûr, on s'est permis de couper un peu les textes. Tout ça, c'est des textes très très longs. Enfin, très très longs. À l'époque, ils écrivaient peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. C'est relatif. Voilà, c'était pour les captifs donc qu'on a amenés au château d'If pendant la commune de Marseille. Et ensuite, on va présenter donc les pi de Gaston Couté. Gaston Couté, alors c'est un poète un peu plus tardif, qui est né en 1880, qui est mort en 1911, un poète libertaire, fils de meunier, et qui est mort très jeune aussi, comme Gaston Crémieux, à 35 ans, je crois, et qui a écrit des textes magnifiques que j'ai découverts grâce aux jeunes gens ici présents et qui vont vous faire écouter. C'est vraiment de la très belle poésie. Vas-y, Greg, allez. Je suis un gars du Tour de France qui chemine depuis 10 jours pour retourner au monde d'enfance où nichent ses amours. J'ai le cœur gai comme un poisson en suivant le cours de la Loire, quand soudain, malgré ma chanson, voilà que j'ai les yeux noirs. Par un jour, des semaines, les pires. Par la main gauche, c'est du malheur, et je songeais à ma mire. Que se passe-t-il de si grave à la raison vieille ou fleurie? Le giroflet dessus la table est juste dans le puits. Je vois des gens noirs sur le seuil, quelques chandelles allumées, et sur le bois blanc un cercueil, des pleurs croisées giroflées. À main gauche, vers les seuls, j'ai vu s'envoler les billes. À main gauche, c'est du malheur, et je songeais à ma vie. Ah, que si je le sais. Je vois ma belle à l'encre au cuir, tous les soirs quand le voisin file, l'orge pour l'écurie. Et cette gueuse chaque fois, lui jette un brin de giroflée, il n'en restera plus pour moi, pour fleurir mon jour d'arrivée. À main gauche, permissionneur, j'ai vu s'envoler les pires. À main gauche, c'est du malheur, et je songeais à ma mire. Ah, que ces choses sont affreuses, mais dis-moi que cela n'est pas vrai, et que les filles sont des menteuses, aux semeurs des guerres. De l'eau à l'eau, passe le gars qui passe, laisse venir la destinée, regarde la vie en face. À main gauche, vers les seuls, j'ai vu s'envoler les pieds. À main gauche, c'est du malheur, et je songeais. Ouais, sur la route, toujours de Gaston Crémieux. De Gaston Coutet. Les Gaston, les Gaston. Du coup, elle a été mise en musique moult fois, par contre. Elle est plus une version de Gérard Pierrot qu'on fait. Merci de l'écoute, en tout cas, et à une prochaine. C'est qui vont se dans leur poulet, la fortune toute la vie, selon ton béni sans pitié, et que sans connaître on redoute. Sur la grande route, nous sommes nés, on te sait, dans le fossé, un peu partout. Nous n'avons ni peine ni mère, notre secret est le chagrin, notre maîtresse est la misère, qui jette jusqu'à la fin, nous une qualité nous écoute. Nous ne connaissons point les fleurs, nos âmes sont libres et nos cœurs sont secs comme des feuilles mortes, nous allons mendier notre pain. Que c'est dur d'aller se gérer aux portes, mais c'est la sorte qu'on a faim, il faut manger tout ce que coûte. Sur la grande route, une verre de pain de jouillon, dans le fossé profond, sous la pluie de neige qui tombe, ce fossé-là leur servira. Auberge de lit ou de tombe, car au jour on les trouvera, tous les deux froids et morts sans doute. Sur la grande route. Des grands chemins, ce qu'on nomme de les sans-patrie, et qui vont faire dans leur roulée, l'infortune de la vie, selon ton béni sans pitié, et que tu en connais ton redoute. Sur la grande route. Thank you. vous êtes à moi. C'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur. C'est avec cette chanson que j'ai appris que c'était une poupée, parce qu'en fait, je savais même pas que c'était. Moi, j'étais petit, hein. Je voulais vous chanter la dernière de Brassens, c'est la première. La première, la voilà. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste pour, je passe pour un, je ne sais quoi. Je ne fais autant de tort personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je fais pourtant le torrent, personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route. Mon chant, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutter, je lance la patte pour pas le taire, le cutter se retrouve par terre. Je ne fais tout le temps de toi, personne, en suivant mon en laissant courir les voleurs d'un pomme. Besoin d'être Jérémie pour qu'une elle sorte qui répond. S'il trouve qu'une corde à leur bout, il me la passe en tout. Je ne fais pourtant de tort personne. Que le cierge n'en empêche. catholique. La raison, ça va de soi. La raison, ça va de soi. Elle vous emprunte au siège à Pâques. Vous le rend à la trinité. Cierge funèbre, elle partit à cheval dessus, elle partit à cheval dessus. Son mari pris dans la tempête, la Pimpolaise était en train de vouer, c'était pas si bête, un cierge patron des marins. Qui vacille, Mélanie se l'est octroyée, Mélanie se l'est octroyée. Alors le saint s'est imbécile, laissa le marin se noyer, laissa le marin se noyer. C'est parti. encore là quelques 20 ans plus tard. Il y a un sentiment qui le regret. Il y en a que je finis quand même. La veuve et l'orphelin, quoi de plus émouvant? Un vieux copain d'école étant mort sans enfant, abandonnant au monde le plus épatant. En deux, j'allais rendre visite à la désespérée, et puis ne sachant plus où finir ma soirée, compagnie dans la chapelle ardente, pour endiguer ses pleurs, pour apaiser ses maux. Je me mis à blinguer, à sortir des bons mots. Tous les moyens sont bons, on est de saint de là, à main. Bientôt par la vertu de quelques facéties, la veuve se tenait comme du Dieu merci. Des bossus tout de nous rigolâmes, ma pipe dépassée, tombe de mon restant. Ma belle m'encourage à mourir la dos, aucun impératif moral ne nous arrête. Si mon pauvre mari détestait le tabac, maintenant la fumée ne le dérange pas. Je mis mon corps de cigarette à minuit d'une voix douce de séraphin. Elle me demanda si je n'avais pas faim. Ça le ferait-il revenir, ajouta-t-elle, elle, de pousser la piété jusqu'à l'inanition. Que diriez-vous d'une frugale collation? Un petit souper aux chandelles. Regardez s'il est beau, dirait-on, point qu'il dort. Ce n'est certes pas lui qui me donnerait tort. J'ai noyé mon chagrin dans un flot de champagne, quand vous eûmes vidé le deuxième magnum. La veuve était aimée dans d'un petit bonhomme. Il se mit à battre la campagne. Mon Dieu, ce que c'est tout de même que tout. Soupira-t-elle en s'asseyant sur mes genoux, et puis ayant collé sa lèvre sur ma lèvre, elle me voilà rassurée, fidèle, j'avais peur que son autre moustache au câble de sa peur. J'ai coquettement un bec de lièvre, un tablier de sapeur, ma moustache fronce. Cette comparaison mérite la fessée. Retroussant l'insolente avec une tendresse, elle se conciliant d'accomplir son retour de moi, mais en fermant les yeux pour ne pas trop en voir. Elle une main vengeresse, aïe, vous m'avez fait le postérieur en deux. Je prédite et je baissais le front piteux, craignant d'avoir frappé de façon trop brutale. Mais j'appris par la suite et j'en fus bien content que cet état de choses durait depuis longtemps. La fêlure était congénitale quand je levais la main pour la deuxième fois. Le cœur n'y était plus, j'avais perdu la foi. Sur elle s'était enquise de la bougresse. Elle se avez-vous remarqué que j'avais un beau cœur? Et ma main vengeresse est retombée vaincue. Et mon coup ne fut qu'une caresse. que je les ai choisis ce soir. Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur, pas aimant mon champ d'honneur. De la mauvaise herbe, mais brave gens, c'est pas moi qu'on ruine, et c'est pas moi qu'on met en germe. L'amour fauche à les autres, brave gens, tu me fies grâce à moi, c'est lui qui m'aura laissé comme ça. Et je me demande pourquoi, mon Dieu, ça vous dérange pas. Les autres n'ont pas touché. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en germe. Elle se vend aux autres, brave gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. Ça vous dérange quand même un peu. Les hommes sont faits, en dit-on, pour vivre en bande, comme des moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en germe. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, je vous sens liberté dans les jardins mal fréquentés. Et je me demande pourquoi, mon Dieu, ça vous dérange quand même un peu. Et je me demande pourquoi, mon Dieu, ça vous dérange quand même un peu. De votre d'oignon, quelques douzaines de gaillards se crèvent un jour le chignon, à pied, à cheval, en voiture. Les gendarmes mal inspirés, enfin retentir l'aventure d'interrompre les chevaux. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les codes, tout le monde se réconcilie. C'est furieux. Sur les guignols, et de l'air, je vous l'assure, un spectacle assez gros guignol. En voyant ces braves pendants être à deux doigts de succomber, moi je biche et car je les adore, sous la forme de macabre, de la mansarde, je réside. J'excitais les farouches bras des légères dents de gendarmicine, en criant et puis pipora. Frédéric, une de la tâche. Le maréchal des logis, et lui fait crier mon hommage. Mort aux lois, vive l'anarchie, notre foi des prudesses. Le crâne donne ses lourdes, entre ses gigantesques fesses, qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, m'attaque à l'ombre de ma mère. Ce qui passe à sa poignée, tombe. Vie compétente, il paraît que cet écadon fut la plus belle de tous les temps. Alors, le spécialiste. Jugeant-toi enfer que leurs victimes. Avais-tu leur canton de lion, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons. Ces furies à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. T'as une langue étrangère. T'as. Dites-moi où, dans quel pays est Flora la belle Romaine, Archipiade Métaïs, qui fut sa cousine germaine, et qu'au semblant qu'embryon mène, sur rivière ou sur étang. Beauté trop plus humaine, mais où sont les rêves d'antan? Beauté trop plus humaine, mais où sont les rêves d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtrait les moines? Les restes maillards à Saint-Denis.